Naam. Maintenant, on va prendre le livre des commentaires sur Sharh Kitab al-Iman de Sahih Muslim, expliqué par le Cheikh Rabi' al-Madkhali, Hafidhahullah Ta'ala. Et donc, il explique le chapitre de la foi, des hadiths qui parlent de la foi. Donc, juste avant de commencer, attendez qu'au dernier cours, on a lu le premier hadith à ce sujet-là. J'aimerais bien lire un point qui a été mentionné par l'imam al-Nawawi dans la question de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, qui fait que parfois certaines personnes il néglige certains aspects de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Le cheikh, il dit, قال العلماء, l'imam al-Nawawi dans le sharh de Sahih Muslim, qui s'intitule Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj. Donc l'imam al-Nawawi dit, قال العلماء ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به والنهي وإن كان ملتبسا بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر. Donc, ça c'est un point important. Il explique que les ulama ont dit qu'il n'est pas une condition pour que la personne ordonne le bien ou pour qu'elle interdise le mal que la personne soit dans la perfection et qu'elle mette tout ce qu'elle ordonne en application et qu'elle s'écarte de tout ce qu'elle interdit. C'est pas une condition. Qu'est-ce qui est obligatoire pour elle? C'est d'ordonner, même si elle a des manquements dans ce qu'elle ordonne elle-même, et d'interdire, même si elle fait certaines des choses qu'elle interdit elle-même. Il dit parce que ce qui est obligatoire pour la personne, c'est deux choses. L'obligation d'ordonner le bien à elle-même et de s'interdire le mal à elle-même, et l'obligation d'ordonner aux autres et d'interdire, d'ordonner au bien aux autres et d'interdire le mal aux autres. Ça, c'est deux obligations individuelles et séparées. Dans le sens que la personne, elle a le devoir d'ordonner à sa personne le bien et d'interdire à sa personne le mal. Ça, c'est une obligation. Et il y a une deuxième obligation, c'est d'ordonner aux autres le bien et d'interdire aux autres le mal. C'est deux obligations séparées. Donc, l'imam al-Nawawi, il dit que les ulama ont mentionné que si une personne, elle a négligé une de ces deux obligations-là, c'est-à-dire elle a négligé le fait de s'ordonner à elle-même le bien et d'interdire à elle-même le mal, alors, est-ce qu'il lui est permis de négliger l'autre obligation aussi, c'est-à-dire d'ordonner aux autres et d'interdire aux autres? Eh bien, c'est évident que qu'est-ce qui est plus grave, c'est d'abandonner deux devoirs, deux obligations. Celui qui abandonne une obligation sur deux, il est moins pire que celui qui abandonne les deux ensemble. C'est ça le point que les ulama ont voulu clarifier. Celui qui abandonne deux obligations, l'obligation d'ordonner d'interdire à sa propre personne et l'obligation d'ordonner d'interdire aux autres. Donc ça, c'est deux obligations. Si tu négliges une des deux, hein, eh bien, tu ne dois pas négliger, ça ne doit pas te pousser à négliger l'autre. Et une chose qui est importante aussi là-dessus, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir les deux. L'idéal, c'est de respecter ces deux ordres en même temps et ensemble. Toutefois, si quelqu'un n'est pas parfait, qui n'a pas appliqué les deux, hein, il doit en faire au moins une des deux. C'est ça le minimum. Hein, c'est ça, c'est-à-dire c'est moins grave que de négliger les deux au complet. De dire, ah, moi, étant donné que moi je suis pas parfait, je vais pas ordonner à personne de faire le bien et je vais pas interdire à personne de faire le mal parce que moi-même je suis pas parfait. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a plus personne qui va ordonner le bien et il y a plus personne qui va interdire le mal. Pourquoi? Parce qu'il y a personne de parfait. Donc s'il fallait attendre la perfection pour pouvoir ordonner le bien et pour pouvoir interdire le mal, ça veut dire que là, dans ce cas-là, il n'y a plus de, hein, il y a plus de personnes qui allaient du tout ordonner le bien ou interdire le mal. Et ça, c'est grave. Donc, on va continuer la suite de l'explication. Donc, après avoir mentionné ce hadith-là, dans le chapitre 21, on avait lu le premier hadith. On avait lu le premier hadith, puis le deuxième. Oui, à propos de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. L'autre chapitre qui suit, c'est Babu tafaduli ahli l'imani fihi wa rajhani ahli l'yamani fihi. Donc ça c'est-à-dire le fait que les gens de la foi, ils ne sont pas tous au même niveau dans la foi. Certains ont plus de foi que d'autres. Hein? Certains sont meilleurs que d'autres dans la foi. Et le fait que les gens du Yémen sont meilleurs, hein, ont une foi plus grande que les autres. Ça, c'est ce qui est mentionné dans les hadiths qu'on va lire maintenant. Donc, le cheikh, il mentionne ce que l'imam muslim a cité à ce sujet-là. Il dit, قال l'imam muslim rahimahullah, حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل ابن أبي خالد حاء وحدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. وحدثنا الحديث suivant, حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية قال النووي رحمه الله قد اختلف في مواضع من هذا الحديث جمعها القاضي عياض رحمه الله ونقحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله وأنا أحكي ما قال. أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهره من حيث إن مبدأ الإيمان من مكة ثم من المدينة حرسهما الله تعالى. فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده في ذلك أقوالا، أحدهما أنه أراد بذلك مكة، فإنه يقال إن مكة من تهامة، وتهامة من أرض اليمن، والثاني أن المراد مكة والمدينة، فإنه يروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو بتابوك، ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة، فقال الإيمان يمان، ونسبهما إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمن، كما قالوا الركن اليماني وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن. والثالث ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبي عبيد، أن المراد بذلك الأنصار لأنهم يمانون في الأصل، فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره. وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه، ولما تركوا الظاهر ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك، إذ من ألفاظه أتاكم أهل اليمن، والأنصار من جملة المخاطبين بذلك، فهم إذن غيرهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن، وإنما جاء حينئذ غير الأنصار، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم، ورتب عليه الإيمان يمان، فكان ذلك إشارة إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن، لا إلى مكة والمدينة، ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكدت اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتميزه به وكمال حاله فيه. وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان، وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أعقاب موته كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهما، وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه، فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم، فلا منافاة بينه وبين قوله الإيمان في أهل الحجاز، ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ فلا كل أهل اليمن في كل زمان فإن اللفظ لا يقتضيه. هذا هو الحق في ذلك. ونشكر الله تعالى على هدايتنا له، والله أعلم. والتعليق: التخصيص بالموجودين فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق هذه الميزة وهي موجودة والله عندهم من التمييز ما لا يوجد عند غيرهم، من التميز ما لا يوجد عند غيرهم. وتجد كثيرا منهم فقيرا يرفض الدنيا لأجل العقيدة والإيمان، لهم ميزة الآن لا توجد في كثير من الناس. كثير منهم ثابتون على السنة مع الزهد، ثبات وجهاد، وأيضا يأرز الإيمان إلى أهل الحجاز. هذه الميزة تبقى لأهل الحجاز إن شاء الله، فكثير منهم ثابتون على الإيمان والتوحيد والسنة. Donc on va traduire maintenant ces hadiths là, ces deux hadiths et les commentaires. On va résumer les commentaires. Donc il mentionne ce hadith qui est rapporté selon Ismaïl. Il dit selon, mais je ne vais pas lire toute la chaîne de transmission, c'est rapporté ici selon Mu'tamir, selon Ismaïl qui dit j'ai entendu Qais qui rapportait selon Abi Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué la direction du Yémen avec sa main. Et il a dit certes, la foi est par là, hein, dans cette direction. Il a pointé vers le Yémen, il a dit certes, la foi est par là. Et il a dit et la dureté et la rudesse du cœur est chez Al-Faddadin. Naam. عند الفدادين. Et ici l'imam An-Nawawi il a expliqué la signification de cette expression là de Al-Faddadin. Donc il dit ici عند أصول الفدادين وفي رواية جاء أهل اليمن وهم أرق أفئدة. Donc il y a plusieurs, il mentionne les différentes riwayat. نعم c'est ça. وقال وقوله صلى الله عليه وسلم في الفدادين وهو جمع فداد بتشديد الدال وهو عبارة عن البقر التي يحرث عليها، وحكاه عنه أبو عبيد وأنكره عليه، وعلى هذا المراد بذلك أصحابها فحذف المضاف. والصواب في الفدادين بالتشديد الدال جمع فداد بدالين أولاهما مشددة، وهذا قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور أهل اللغة، وهو من الفديد وهو الصوت الشديد، فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك. وقال أبو عبيدة معمر ابن المثنى هم المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم 200 منها إلى 1000. وقوله إن القسوة في الفدادين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن القسوة في الفدادين عند أصول أذناب الإبل معناه الذين لهم جلبة وصياح عند سوقهم لها. Donc ici l'explication qui est mentionnée par l'imam al-Nawawi à propos de Al-Faddadin, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont des troupeaux de vaches et de chevaux et de chameaux aussi, et qui élèvent la voix pour les faire avancer et qui crient sur eux. Et également, qu'est-ce qui a été mentionné, c'est ceux qui ont des gros troupeaux de chameaux par exemple, et qui possèdent entre 200 à 1000 chameaux. Et donc le hadith mentionne que eux, ils ont un tempérament dur et rude, hein, les gens qui ont les troupeaux de chameaux. Il dit donc que c'est eux certes qui ont la dureté et la rudesse du cœur parmi eux, et ceux qui sont à la base des queues des chameaux, donc ils ont des caractéristiques de dureté. Aussi ensuite, qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith là, حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة في ربيعة ومضر. L'imam al-Nawawi, il dit وقوله حيث يطلع قرن الشيطان, du fait que les cornes du diable, du shaitan, elles se lèvent vers Rabi'a et Mudar. Il dit Rabi'a et Mudar badal min al-faddadin, wa amma qarna al-shaytan fajaniba ra'sihi wa qila huma jam'ahu alladhani يغريهما بإضلال الناس وقيل شيعته من الكفار شيعته من الكفار. والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان من الكفر, وكما قال في الحديث الآخر رأس الكفر نحو المشرق, وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك, ويكون حين يخرج الدجال من المشرق, وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس. Donc ici il explique que les deux cornes du shaitan, Rabi'a wa Mudar, ici Rabi'a wa Mudar, il dit c'est pour, ça remplace les éleveurs de chameaux, ça remplace les éleveurs de chameaux. Et quand il parle des deux cornes du shaitan, bon, il donne des différentes définitions de ça, et il dit vers le que le c'est de là que se lèvent les cornes du shaitan. Il dit que ça signifie vers l'est ou vers l'orient, parce que c'est de là-bas que sortent beaucoup d'entre les fitanes, hein, vers l'Orient. Et il dit également que c'est de là que va sortir le Dajjal. C'est de là que va sortir le Dajjal. Et il y a des hadiths qui mentionnent que, justement, c'est certains hadiths qui mentionnent que ça va être de l'Irak, de la région de l'Irak. Et parfois, certains parmi les gens de Bid'a, parmi les soufis et autres, ils essaient d'utiliser ce hadith-là pour attaquer la da'wa, les gens qui s'accrochent à la sunna et la salafia en Arabie Saoudite. Ils disent c'est là-bas que les cornes du shaitan se lèvent, alors qu'en réalité, quand on regarde tous les hadiths qui ont été rapportés dans ce sens-là, c'est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de al-mashriq. Et Al-Mashriq, quand il parle du Mashriq, c'est bien entendu Al-Iraq. Et c'est de là que la plupart des fitanes sont sorties. Et également, le Najd, dans certaines narrations, il mentionne le Najd. Et il faut savoir qu'un Najd, c'est linguistiquement, c'est toute terre surélevée. Donc c'est un plateau. Un plateau, on appelle Najd en arabe. Et il y a plusieurs Najd, il n'y a pas un seul Najd. Et le Najd, pour les gens de la région de Médine, ça correspondait pour eux à l'Irak. Et le Najd, pour les gens de la Mecque, ça correspondait à la région du Najd, comme à Riyad, et qu'est-ce qu'on appelle Najd al-Yamama. Et donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam désignait le Najd, il disait que c'est de là que sortaient les contes du diable ou la fitna et les choses comme ça. Il parle de l'Irak, hein? Il parle de Al-Mashriq et non pas de Najd al-Yamama comme eux ils le prétendent. Et même si c'était le cas, hein, si par exemple supposons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il désigne Al-Mashriq comme étant la source de la fitna ou de la région dans laquelle il y a beaucoup de fitna, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir dans cette région-là des grands ulama parmi les ulama de la sunna. Hein? Sinon, ça voudrait dire que tout le monde qui va sortir de Al-Mashriq, tout le monde sera mauvais et il n'y aura jamais un savant qui est sur la vérité. Ça, ce n'est pas le cas. On sait qu'il y a eu des grands ulama qui ont vécu en Irak. Hein? L'imam Ahmad ibn Hanbal qui vivait à Bagdad, et plein d'autres également parmi les grands ulama qui vivaient dans cette région-là et d'autres également qui vivaient dans ces régions-là. Donc le hadith, ces hadiths-là en particulier, ils ne désignent pas les ulama d'Ahl Sunna et ceux qui appelaient à la Sunna et ceux qui suivaient la voie des salafs, mais ils désignent les gens qui font la fitna et qui ramènent les fitanes, hein, et qui ont contredit la voie de la Sunna. Non, toi tu parles de Ya'juj ou Ma'juj peut-être. Oui, ce n'est pas le Dajjal. Le Dajjal, c'est une personne. Oui, c'est juste une seule personne. Ya'juj wa Ma'juj, ça, c'est d'autres. C'est d'autres personnes, mais c'est ça. En tout cas, peut-être on pourrait expliquer ça une autre fois. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les a décrits, comment ils seront, puis tous les détails de ça. On en reparlera par la suite, Inch'Allah. Bon, donc c'est ça. J'ai seulement pu expliquer ça. Sinon, il y a l'autre hadith qui vient après, qui mentionne que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les gens du Yémen sont venus. Ils sont les gens avec les cœurs les plus doux. Hein? Et la foi, et il dit, al-iman ou yaman, c'est comme s'il dit, la foi est du Yémen. Et al-fiqh ou yaman, la compréhension de la religion et du Yémen, et al-hikma yamania, la sagesse et yéménite aussi. Donc l'imam al-Nawawi il a expliqué que en ce qui concerne ce hadith là il y a divergence entre les ulama sur certaines parties du hadith, et en particulier la question de décrire le Yémen comme étant la foi, hein, ou la source de la foi. Et il explique que certains d'entre les ulama ont pris le hadith en dehors de son sens apparent. Et ils ont dit, ben, certains ils ont dit par exemple que ça désignait en particulier la Mecque et Médine, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Tabouk quand il a dit ça, puis il pointait vers le sud. Donc ça comprend la Mecque et Médine. Certains ulama ont mentionné que c'est pour désigner les Ansar, parce que les Ansar, leur origine c'était du Yémen. Toutefois, en tout cas, il y a des explications comme ça. Ou bien il y en a qui ont dit que c'était uniquement pour les Yéménites de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, le cheikh il explique que c'est pas le cas, hein? Que c'est pas nécessaire d'essayer de déformer le sens apparent de ce hadith là, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens du Yémen vous sont venus. C'est la preuve qu'ils n'étaient pas là et que donc on parlait pas des Ansar. Que c'était quelqu'un d'autre et qu'il ne parlait pas des gens de la Mecque et de Médine seulement. Donc, et en même temps, il dit il n'y a pas de mal de dire que les gens du Yémen ont été décrits comme étant les gens de la foi, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne ça dans le but de clarifier que c'est des gens qui ont une particularité dans cette question-là. Que si quelqu'un, par exemple, il est connu comme étant plus croyant ou par exemple ayant plus de biens, donc il n'y a pas de mal de mentionner ça. Mais ensuite il explique qu'il y a certaines personnes qui se sont distinguées dans leur foi et dans leur religion parmi les gens du Yémen à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même après la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y a, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé qu'il y allait avoir un homme pieux qui s'appelait Uwais al-Qarni. Et justement, c'était un des gens du Yémen aussi. Et il a parlé aussi de Abu Muslim al-Khawlani. Hein? Et donc, tout ça, c'est pour dire que c'est des gens qui ont une foi, une grande foi. Et également que le fait de dire ça à propos des gens du Yémen, ça ne veut pas dire que les gens qui viennent d'ailleurs, que le Yémen, ne peuvent pas eux aussi avoir une grande foi aussi. Et la même chose, quand il décrit les caractéristiques des gens qui ont les troupeaux de chameaux, eh bien ça ne veut pas dire que parmi eux, il ne peut pas y avoir, même si certains d'entre eux, ils ont la dureté de tempérament à cause du fait qu'ils sont justement des éleveurs de chameaux et le tempérament du chameau, il est un peu rude et dur, eh bien ça affecte leur personnalité, mais ça ne veut pas dire que parmi eux, il ne peut pas y avoir des gens qui sont des bons croyants aussi. D'accord? Donc ça, c'est juste pour mentionner de façon générale cette chose-là. Et c'est ça ce que le cheikh il a expliqué. Certains ont dit, comme Al-Qadi Ayyad, non, c'était Abu Amr ibn Salah, lui, il dit que ça, c'était spécifique aux Yéménites de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas tous les Yéménites. Et Cheikh Rabi, il clarifie à ce sujet-là que c'est pas spécifique, il n'y a pas de preuve pour restreindre ou spécifier que c'était seulement ceux de cette époque-là. Hein? Parce que il n'y a pas de raison de limiter ça uniquement à cette époque-là. Il dit que les gens du Yémen, ils se sont tout le temps distingués à travers les époques par des qualités de la foi. Et on voit chez eux que c'est des gens qui, malgré parfois la pauvreté, ils rejettent la vie d'ici-bas pour s'accrocher à leur croyance et à leur foi. Et ils ont donc cette caractéristique-là qui est présente jusqu'à aujourd'hui, et que ce sont des gens qui sont parfois, souvent très fermes sur la sunna et qui font des efforts et qui sont fermes et qui luttent pour la foi. Et il y a d'autres hadiths qui décrivent que la foi, elle va revenir dans le Hijaz vers la fin des temps, hein, que la foi, elle revient vers le Hijaz dans les moments de fitan ou bien vers la fin des temps. Donc ça aussi, c'est une des caractéristiques et des particularités des gens du Hijaz. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné parfois à propos de certaines personnes des particularités dans la religion et dans la foi qu'il n'a pas mentionné à propos de d'autres, mais c'est pour indiquer et pour montrer leur mérite dans la foi. Et c'est ça le titre justement du chapitre de l'imam Muslim, Bab tafadulu ahli al-iman fihi wa rajhanu ahli al-yaman fihi. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens qui sont meilleurs dans la foi que d'autres et qui ont certaines particularités qui les rendent meilleurs que d'autres dans la foi. Mais comme on dit, c'est pas une chose qui est tout le temps ou générale, c'est quelque chose qui se trouve yani, chez eux de façon générale, mais dans le sens que ce n'est pas quelque chose qui exclut les autres. C'est ça que je veux dire. L'autre hadith, et on va s'arrêter avec l'autre hadith. قال l'imam muslim, حدثنا محمد ibn المثنى قال حدثنا ibn أبي عدي وحدثني عمر الناقد قال حدثنا إسحاق ibn يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة الإيمان يمان والفقه يمان يمان والحكمة يمانية. Donc c'est le même hadith, il y a la même chose qui est mentionnée dans le hadith précédent. Le cheikh, il fait un commentaire ici. Il dit يعني ليس قصات القلوب قلوبهم فيها رحمة وفيها رقة وهذا من علامات الإيمان ومن علامات قوة الإيمان ويأتي بعدهم يعني رعاة الغنم رعاة الغنم. Donc ici il explique que ces gens-là, les gens du Yémen, ils ont été désignés ici comme étant des gens de la foi à cause de la douceur de leur cœur. Leur cœur, il n'est pas dur. Il y a de la miséricorde dans leur cœur. Et ça, c'est une des caractéristiques et des signes de la foi. Et parmi les signes de la force de la foi aussi. Et il y a aussi dans d'autres hadiths qui mentionnent que c'est les gens qui élèvent les moutons. C'est des gens qui élèvent les moutons. Donc, ils ont des caractéristiques différentes de ceux qui élèvent les chameaux. Hein? Les gens, des fois, ils développent des personnalités ou des tempéraments de l'animal qu'ils élèvent. Hein? Ça, c'est un exemple. Et le hadith qui mentionne les moutons, il dit يعني والسكينة في أهل الغنم. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera l'explication de ce hadith-là, la suite, inshallah, au prochain cours, bi'ithnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.